طيب، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. طيب، déjà je m'excuse pour le retard. J'ai eu encore un petit imprévu, un petit problème technique, logistique. Et il se peut qu'il y ait des bruits de fond, du voisinage, un peu dérangeant, mais bon, on passera outre, Inch'Allah. Le dirs, ça va être assez court, car c'est bientôt le maghrib. Al-Muhim. Naqul, dans le dernier hadith, dans le dernier dirs, on avait pris trois hadiths. D'accord, on avait pris le hadith de comportement à avoir avec les compagnons. Quand je parle des compagnons, je prends nos propres compagnons à nous, de ne pas vexer les gens de droiture, de ne pas les irriter, car cela peut causer la colère d'Allah Azzawajal sur nous. On a pris également le hadith qui parle de comportement des do'ati d'Allah Azzawajal, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit de réjouir et de ne pas compliquer les choses, ou plutôt de faciliter, de ne pas compliquer les choses, de réjouir, de ne pas faire fuir, et de coopérer, et de ne pas diverger. طيب الآن سنأخذ حديثين جديدين إن شاء الله تعالى. Donc là c'est le hadith 91e hadith du kitab et le 11e de ce chapitre qui est toujours dans الأدب الإسلامية, comportement islamique. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رضى الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. Arawahu Ahmed. Donc selon Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si Allah veut accorder du bien à une maison, un foyer, il leur accorde la douceur. Ça veut dire, il met dans leur maison la douceur. Donc là, le rawi du hadith, c'est Aïcha, radiallahu anha, l'épouse du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était la préférée de son vivant. Plutôt je voulais dire de son vivant après la mort de Khadija radhiyallahu anhunna al-ajma'in. Et là il dit, si Allah azawajal veut du bien, il faut savoir une chose, c'est que la volonté d'Allah azawajal en arabe, elle a deux sens. Elle a le sens de la mashi'a et le sens de al-irada. Al-mashi'a, c'est lorsque Allah azawajal veut une chose et elle a forcément lieu, qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas. D'accord, comme entre autres la présence de l'Iblis. Car des gens vont dire, il se passe des choses sur terre, si jamais Allah Azawajal, ou plutôt des gens, ils aiment bien dire, parmi les koufars ou autres, que s'il y avait un Dieu, il ne laisserait pas faire telle et telle chose. On dit, ce n'est pas tout ce qui déroule dans la création d'Allah Azawajal, ça veut dire qu'il l'aime. Mais il y a des choses qui doivent avoir lieu obligatoirement pour une sagesse. Donc ça, c'est Al-Mashi'a. Ce que Allah Azawajal veut qu'il arrive, se déroulera forcément. Qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas. D'accord ? Et ça, c'est un bœuf dans lequel il ne faut pas s'aventurer de peur de se perdre. Et ce qu'on appelle l'irada, c'est également, on traduit en français, la volonté. Ça, c'est une chose que Allah Azawajal veut, et il l'aime forcément, mais elle n'a pas forcément lieu. Comme par exemple, Allah Azawajal, dans le Coran, il dit « Yuridullah bikum al-yusr, wala yuridu bikum al-usr » car Allah veut pour vous la facilité, et ne veut pas pour vous la difficulté. Et pourtant, on rencontre des difficultés. D'accord ? Donc ça, c'est une chose qu'Allah Azawajal veut pour nous, mais c'est nous, on se complique l'existence par nous-mêmes. Mais Allah veut pour nous la facilité, il veut pour nous la guider, il veut que les gens l'adorent, mais est-ce que tout le monde l'adore ? Non. D'accord ? Tout le monde ne l'adore pas. D'ailleurs, la plupart des gens ne l'adorent pas. Et pourtant, Allah Azawajal veut cela. Ça, c'est l'irada. On appelle ça l'irada shari'a. C'est la volonté, on va dire, législative. Et l'autre, al-mashi'a, qu'on peut également appeler al-mashi'a, al-irada, al-kawniya, c'est la volonté universelle. Les choses qui se déroulent forcément. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, Allah Azzawajal veut que cela arrive, mais cela n'implique pas forcément qu'il aime cela. Comme par exemple l'existence de Iblis. D'accord ? Voilà. Donc là, c'est une chose que Allah Azzawajal aime. Mais est-ce que cela a forcément lieu, le fait qu'il y ait une douceur dans la maison ? Non. Mais si jamais cela arrive, cela montre que Allah Azawajal veut du bien pour ces gens-là, qui met la douceur dans leur foyer. D'accord ? La bonne entente dans le foyer, entre les deux époux, entre les parents et la progéniture, et ainsi de suite. Les choses se passent avec douceur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de tristesse, qu'il n'y a pas jamais de conflit ou quoi, mais dans l'ensemble, de façon générale, il y a une bonne entente qui se passe dans le foyer. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah, inna rifq la yakunu fi shay'in illa zana, wa la yunza'u min shay'in illa shana. C'est que Allah, ou plutôt le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la douceur, dans toute chose où elle se trouve, elle ne fait que l'embellir. Et lorsqu'il n'y a pas de douceur dans une chose, cela ne fait que l'enlaidir. Donc la base, c'est la douceur. Et Allah Azza wa Jal, Rafiq yuhib rifq. Allah, parmi ses noms, le doux, Rafiq. D'accord ? Parmi ses sifat, Rifq. Donc Allah Azza wa Jal aime cela. Maintenant, est-ce que cela a forcément lieu ? Non. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashuk alayhi. فشكوك عليه فشق عليه ما فون فشكوك عليه ومن ولي من أمري أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به رواه مسلم. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم comme dua, ô Allah, toute personne qui aura reçu une autorité quelconque dans ma communauté et qui complique les choses aux gens, alors complique les choses. Et celui qui aura eu une autorité sur ma communauté, de façon générale, et qu'il facilite aux gens, c'est-à-dire qu'il adoucit la vie des gens, alors adoucit-lui la chose. Donc en fait, Al-Jazam Injin, c'est l'amel. Que la rétribution est en fonction de l'action. C'est-à-dire toute personne qui a des responsabilités, que ce soit un gouverneur, que ce soit un directeur d'entreprise, que ce soit un père de famille, que ce soit quiconque, d'accord, lorsqu'il facilite aux gens qui sont à sa charge, Allah Azza wa Jal, ou qu'il est doux envers eux, et dans les limites, bien sûr, du convenable, Allah sera doux envers lui. Il lui facilitera son affaire. Quant à celui qui complique les choses et qui rend les choses difficiles, Allah lui rendra sa tâche difficile. Donc là, c'est un avertissement pour toute personne qui a une forme d'autorité, une forme de contrôle, on va dire, selon les limites de la Sharia, bien sûr, qu'il doit faire en sorte de faciliter le plus possible. Cela va du gouverneur jusqu'à au père de famille, et ainsi de suite. Entre autres, le mari avec l'épouse, qui ne doit pas rendre la vie difficile à son épouse, de lui faciliter autant que possible, avec ses enfants également, et ainsi de suite. Et ça, c'est une chose qui est générale. D'accord ? Une chose qui est générale, et qui doit mettre en garde les hommes de faire abus de pouvoir sur les gens qui sont à sa charge. Pareil, le grand frère avec le petit frère. Pareil, le grand-père avec les petits-enfants, et ainsi de suite. Et principalement, on le rappelle souvent, les époux envers les épouses. D'accord ? Là-bas, c'est la douceur, de faciliter et d'apporter autant de réjouissance autant que possible. Bien sûr, comme on dit, dans la limite du chala. Après, des fois, quand il faut faire preuve de rigueur, c'est normal. Que ce soit avec les gens qui n'écoutent pas, les gens qui désobéissent ou les gens qui, ainsi de suite, qui manquent de respect, oui. Mais là-bas, c'est la douceur. La douceur. قال فوائد الحديث. Donc maintenant enseignement du hadith. إثبات صفات الإرادة لله عز وجل. Donc là on y voit l'attribut de la volonté. Et on explique cela en arabe, c'est deux termes différents qui différencient cette mas'ala qu'en français qui n'apparaît pas. إرادة, ça c'est la volonté qu'on appelle la volonté législative. C'est-à-dire que Allah le veut mais n'a pas forcément lieu et l'aime forcément. Et l'autre, المشيئة, ce qu'on appelle la volonté universelle. Celle-ci a forcément lieu, et il se peut que Allah l'aime ou qu'il ne l'aime pas, mais elle a forcément lieu. Thaniyan, hass al-islam ala rifq wa huwa khalq yuhibbuhu Allah wa yuthib alayhi. Et maintenant, ça incite, l'islam incite à la douceur, et que c'est un trait de caractère que Allah Azza wa Jal aime et pour lequel il récompense. Thalithan, anna min sa'adatil bayt al-muslim الخيرية فيه أن يرفق أهله بعضهم ببعض أو يرفق أهله عفوا بعضهم ببعض. Et ce qui montre les marques de bonheur dans un foyer, la maison du musulman, c'est que tu vois les gens être doux entre eux. La famille sont doux entre eux. Comme on l'expliquait, les conjoints entre eux, les parents avec les enfants, les frères et les sœurs entre eux, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas non plus idéaliser et fantasmer sur la chose. D'accord ? Il ne faut pas regarder comme on voit dans les familles, dans les séries, tout le monde est gentil, il n'y a pas de problème. Non, il y aura toujours des problèmes, c'est normal. L'épreuve, elle est inévitable. Mais de base, comme on l'expliquait, de base, c'est une entente générale correcte. Rabi'an anna min ash-shiqa fil bayt ashar ala ahlihi al-ikhtilaf fima baynahum wash-shiqaq wal-unf wat-tanafur wa 'adam al-wifaq. Et ce qui montre par contre les traces d'une maison malheureuse, et ainsi de suite, et le mal, les montres qui montrent qu'il y a un mal dans les habitants de ce foyer, c'est qu'ils sont tout le temps en divergence, tout le temps en conflit, tout le temps dans la dispute, tout le temps dans la brutalité ou la violence, et également le manque de respect entre eux. Ça, ce sont des très mauvais signes, et bien sûr, c'est un mode de vie qui est insupportable pour quiconque. Pour quiconque. Et donc là, c'est une marque de problématique dans ce foyer. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les gens de ce foyer ne sont pas bons. Des fois, ça peut être une mère qui est éprouvée, une femme qui est éprouvée par un mari qui est mauvais et des enfants qui sont turbulents. C'est son épreuve. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien. Ou des fois, c'est le contraire. C'est le père qui est correct et l'épouse qui l'est moins et les enfants qui ne sont pas. Ou des fois, ce sont les parents qui sont corrects et les enfants ne le sont pas. Ou des fois, les enfants sont corrects et les parents ne le sont pas. C'est... voilà. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire que toute la maison, tous les membres de la famille sont forcément... Mais c'est un foyer qui n'est quand même pas heureux. Par exemple, demain, tu peux être chez toi, chez tes parents, t'es musulman, mustaqim, ou t'es un converti, et dans ta famille, c'est l'horreur dans la maison. Donc, dès que tu peux, tu en sors du foyer. D'accord ? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas guidé, toi. Mais ta maison, en soi, n'est pas dans une bonne entente, ce n'est pas un bon foyer. Ou à Kava. Donc, c'est relatif. D'accord ? C'est relatif. Et des fois, dans la maison, c'est tout le monde qui n'est pas sur une bonne voie. Le père, la mère, les enfants, malheureusement. Une maison, par exemple, de koufars, une maison de gens de faux sacs, de pervers, une maison de gens sur l'innovation, et ainsi de suite. Taï. Summa al-hadith al-thani wa tis'un. 92e hadith, qui est le 12e de ce chapitre. An al-miqdad fi hadithi al-tawil qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي من الليل فيسلم تسليما لا يقظ نائما ويسمع اليقظان. C'est une partie d'un hadith. Donc il a dit selon le Miqdad, dans un long hadith en fait, que le Nabi صلى الله عليه وسلم dit, lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم arrivait dans la nuit dans une maison, il passait un salam si subtil, si discret, qui ne réveillait pas celui qui dormait, tout comme il faisait entendre, se faisait entendre par celui qui était réveillé. Ça veut dire qu'il rentrait avec douceur, avec discrétion, il passait le salam. D'accord ? Sa voix telle que celui qui dort n'entend pas, ne se réveille pas, il n'est pas dérangé. Et celui qui est réveillé entend et peut répondre au salam. Donc c'est vraiment, comment dirais-je, de la diplomatie et des comportements compatissants envers les autres. D'accord ? C'est-à-dire que tu montres ta présence à celui qui doit t'entendre et tu ne déranges pas celui qui a besoin de repos ou autre. Ça, c'est un comportement à adopter dans le foyer. Ou toute personne qui vit en société, qui vit en groupe, il fait attention de ne pas déranger les gens lors de leur repos, les gens qui sont malades, ainsi de suite. Et tout comme il annonce sa présence aux gens qui sont réveillés. Peut-être qu'ils ont besoin de lui. Peut-être qu'ils ont besoin de lui parler. Ils savent qu'il est là. Et les autres, qui sont dans leur repos, ne sont pas dérangés et peuvent prendre ce dont ils ont besoin. Non. Donc à la base, ça c'est un passage d'un hadith qui est très long. On ne va pas lire parce que l'auteur n'a pris que le shahid, la partie qui nous concerne. Et on citera cela. Donc, c'est-à-dire de nuit, déjà, le comportement, c'est de ne pas parler fort. D'accord ? De ne pas parler fort et de rester discret. Quand bien même tu aurais, par exemple, un désaccord avec quelqu'un, si tu vois que tu vas lever la voix et qu'il y a besoin de lever la voix, va dans un coin où personne ne t'entend. Va dehors, va dans un coin, dans une chambre ou autre. Ne dérange pas tout le monde. Ne lève pas ta voix inutilement, ni en rigolant, ni en criant, ni quoi que ce soit. Reste discret. Et en plus, ce que tu as à dire, ne regarde pas forcément tout le monde. Et qui plus dans la rue, tu as des gens, des fois, dans la rue, ils sont au téléphone, ils hurlent. Tout ce qu'ils disent, on l'entend. Et ça, ce n'est pas le comportement du musulman. Alors que dire lorsqu'il y a un dérangement avec des gens qui se reposent et ce qui s'ensuit. Donc là, je ne vais pas m'attarder sur le hadith. On va aller faire voir. De toute façon, le hadith, il est, alhamdoulilah, il est simple, il est clair, il est wadih. Il y a le hadith. Donc maintenant, enseignement à prendre du hadith. Mashru'ati salam inda al-liqa. Donc il est légiféré de passer le salam lors de la rencontre. Déjà à la base, quand on rentre chez soi, on dit bismillah et on passe le salam. C'est un comportement à avoir, même s'il n'y a personne à la maison. ثانيا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتلطفه بأصحابه. Ce qui montre le bon comportement du Nabi صلى الله عليه وسلم et sa modestie et sa douceur envers ses compagnons. ثالثا تجنب أذية المسلم يقظة ومناما بالسلام أو قراءة أو كلام غيره. Ce qui montre qu'il faut éviter de déranger les autres, qu'ils soient éveillés, qu'ils soient endormis, et cela par le salam, ou même en laissant le Coran, ou par la parole. Des fois, tu as des gens qui sont dans le masjid, par exemple, et t'en as, ils lisent le Coran, ils lisent super fort. Ils dérangent tout le monde. Tout le monde t'entend. Tu vas à l'autre côté de la mosquée pour être dans ton coin, réviser, lire tranquille. Non, il faut qu'il lève sa voix, qu'il lise super fort. Dans les deux, pareil, être discret. Ne pas déranger les autres. Et Allah, Samir, Basir. Si jamais c'est Allah que tu invoques, tu fais une adoration, Allah il te voit et il t'entend. C'est pas la peine de lever la voix, de crier, ainsi de suite. Et dans les moments où il faut lever la voix, il faut lever la voix. D'accord ? Chaque chose en son temps. Mais là-bas, c'est la discrétion, la douceur. Rabi'an, an aqal as-salam ibtida'an wa raddan isma' sahibah. Ou sahibi, nam. Wa la yujzi'uhum duna zalika. Ça veut dire que lorsqu'on passe le salam en premier, le minimum c'est que celui à qui tu passes le salam puisse t'entendre. C'est-à-dire, t'es pas obligé de lever la voix, mais si on t'entend, c'est-à-dire que là, ce salam, il est valable. Et maintenant, tu viens quelque part, tu passes le salam, personne t'entend, ton salam n'est pas valable. Dans le sens qu'on ne s'est pas considéré comme tu n'es pas considéré comme quelqu'un qui a passé le salam aux autres, en fait. Il faut qu'on t'entende un minimum. Khamisan, an as-salam ala qawm fihim niyam, yakun salaman mutawassitan bayna al-raf wal mukhafata. Et dit le salam, lorsque les gens dorment, il faut passer un salam qui soit modéré, comme on l'expliquait, c'est-à-dire un salam entendu par le réveillé et qui ne dérange pas celui qui est endormi. Non. Hadha allazi akhadhna al-yawm min hadhain al-hadith. Je suis vraiment désolé pour la courte durée de ce ders, mais je n'avais pas possibilité de faire autrement pour aujourd'hui, et le prochain ders sera bismillah ta'ala yawm al-jumu'ah. Naktafi bi hadha al-qadr fa subhanaka wa bihamdik. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.